Salut les amis, c'est Sofiane. On se retrouve pour un nouvel épisode du podcast. C'est en forgeant qu'on devient forgeron et c'est en galérant qu'on devient humoriste. Voici Galère d'humoriste avec aujourd'hui Monsieur Denis Richir. Salut Sofiane. Salut Denis et merci d'avoir accepté l'invitation. Avec grand plaisir, tu m'as pas laissé le choix. Oui, ça me rappelle Gaëtan Delferrière que j'ai remercié aussi d'avoir accepté l'invitation et il m'a dit j'avais pas le choix, t'avais ma mère en otage. Mais voilà, comme ça tout le monde le sait maintenant de ce que tu fais pour les humoristes. Écoute, c'est, quand t'as un podcast, faut être prêt à tout. Mais t'as bien raison. Non, ça me fait plaisir. Vas-y, et balance les questions qu'on en finisse. Allez, hop. Ben écoute, plaisir partagé, en tout cas, merci. Donc, tu avais une ou plusieurs anecdotes à nous raconter ? Oui, tu m'as demandé des galères d'humoriste, je crois qu'on en a, tous. C'est celle qui me traumatise, évidemment. C'est celle qui me fait encore mal aujourd'hui, tu vois. C'est parce que... Non, mais parce que en fait, des galères, on en connaît tous, et il y a des galères qui sont solidaires, tu vois. Il y a des galères où tu es sur un plateau d'humoriste, et en fait, tu galères, mais tout le monde galère autour de toi. Et là, ça va, tu partages la galère. Tu vois, par exemple, tu fais un plateau d'humoriste dans un bar où ils n'ont pas vraiment bien prévenu les gens qu'il allait y avoir une soirée de stand-up, et donc tu as une moitié de salle qui est là pour écouter les stand-uppers, et tu as une moitié de salle qui est là pour boire son verre, et qui n'a pas envie de baisser le ton, et qui continue à parler, à gueuler, à se marrer. Et du coup, tout le monde galère parce qu'on n'arrive pas à se faire entendre par-dessus le bruit de fond et c'est très compliqué. Mais ça, tu le partages, tu vois, on est à 5, on est à 6, on le fait, on est des pros et on passe et voilà. Ça reste même un super souvenir. En général, dès que vous vous croisez, vous dites « Ah, tu te rappelles ?» Oui, voilà, c'est genre on a fait la guerre ensemble, tu vois. C'est ça. Mais là où c'est compliqué, c'est quand t'es le seul à te planter. Et ça c'est ma plus grosse galère de scène. C'était à Anu, en région Wallonne, avec des potes. Et je passais, de mémoire, je crois que je passais en quatrième. Donc, voilà, il y avait déjà eu trois humoristes d'avant moi qui avaient tous cartonné. Donc, le public était chaud bouillant. Donc, moi, j'étais là, c'est du pain béni. Là, je vais monter sur scène. Ils sont déjà super chauds. Je prenais même pas de risque. Hein. Je vais dire, OK, je vais faire mes 15 minutes les plus solides, celles qui ont été vraiment que j'ai rodées, mais partout. Et donc, et il faut savoir un truc, c'est que dans les sketchs que je fais, il y en a où je joue un petit peu le rôle de quelqu'un de d'autin, de prétentieux, de quelqu'un qui se la raconte. Et en fait, le sketch consiste à expliquer pourquoi j'ai plus de mérite que d'autres d'être sur scène, parce qu'en fait, j'ai tous les privilèges, je suis né dans le bon pays, à la bonne époque, j'ai pas de soucis de racisme, de tout ce que tu veux. Et je joue avec ça pour dire, en fait, pauvre de moi qui peut pas rire de moi, quoi, en gros. Mais donc, c'est un personnage qui en fait trop, enfin, qui se la raconte et qui... Et pour moi, dans ma tête, et comme ça s'est passé dans plein d'autres scènes, pour moi, c'est clair que c'est un personnage et j'essaye que ce soit compris d'emblée. Et là, il se fait que cette scène-là, ça n'est pas passé du tout. Je suis passé dans un tunnel, j'ai commencé à faire mon arrogance sur scène, ça n'a pas marché, je sentais que le public n'était pas avec moi, mais j'étais lancé, et j'ai pas... Il y a des styles d'humour où tu peux dire, ok, je laisse tomber ça, je pars sur autre chose, mais moi, c'était un truc vraiment construit, donc je pouvais pas tout abandonner pour me dire, ou alors je me casse cette scène, mais ça, j'avais pas envie de faire non plus. T'as toujours l'espoir de dire, à un moment donné, ça va passer. Ouais, ils vont me rejoindre, ils vont monter dans le train. Voilà, et ça ne prenait pas. Et à un moment, il y a même une femme dans le public, et c'était assez silencieux, il n'y a que moi qui parlais, puisque le public ne riait pas, qui prend la parole et qui fait « Dites, vous ne vous appelleriez pas Modeste par hasard ?» Oh là là là là. J'ai bien compris que le second degré ne passait pas du tout. Et donc, ça a été un vrai cauchemar. Donc, j'ai terminé, j'ai fait mon 12 minutes, 15 minutes, je ne sais plus. J'ai quitté la scène sous 3-4 pauvres applaudissements, pas très convaincu. Et puis l'humoriste qui m'a suivi, et c'est là où c'est vraiment très vexant, il a de nouveau cartonné, quoi. Donc à la fin de la soirée, on est entre 6 humoristes, on fait un petit débrief, tout le monde dit à quel point il a passé une soirée géniale, à quel point le public était chaud bouillax, à quel point c'est le genre de scène qu'il voudrait refaire tous les soirs. Et moi, j'étais là, mais c'était un cauchemar. Le truc, si tu veux, c'est que la question qui se pose, c'est est-ce que les 3 autres qui étaient avant toi ont fait du stand-up, genre vraiment stand-up, du style, tu vois, pas de prisme, quoi, c'est eux qui parlent directement, tu vois ce que je veux dire? De mémoire, oh là, attends, ça remonte quand même un petit temps. Deux avaient fait du stand-up, non, il y en a une qui n'avait pas fait du stand-up, qui avait fait autre chose, mais qui avait très très bien fonctionné. Et puis, il y a aussi la manière dont on te lance sur scène qui joue, hein. Une des premières qui était passée, je me rappelle, la MC avait expliqué que c'était une de ses premières scènes et qu'elle testait et que machin. Ouais, Et elle donc avait un c'était bien, côté. public était bienveillant, quoi. Ouais, tout à fait. Et il y avait un côté, elle avait fait quelque chose d'assez original, qui était peut-être un peu moins drôle, mais plus poétique. Et ça avait très très bien marché. Le public avait embrayé à fond, gros applaudissements à la fin. Et moi, elle m'avait lancé comme ayant gagné tel concours, comme. Ah, y a eu trop de pression en fait au final. Et alors, elle a fait un truc que je n'aime pas beaucoup. C'est même presque gênant de. Mais elle m'a introduit comme à. C'est là où tout le monde va croire que je suis vraiment en train de me vanter. Mais c'est pas du tout, du tout ça. C'est pour expliquer le contexte. Elle a dit, et je n'aime pas. Elle a dit, et le beau gosse de la soirée. Et là, j'étais là. Non. Ah merde, non mais parce que justement, je joue avec ça, mais dans le second degré, tu vois. Oui, et elle, elle l'a présenté comme ça, donc on pouvait penser que tu étais sincère, quoi. Mais complètement, complètement, parce qu'il y a un moment donné où j'explique que l'humour, si tu fais pas partie de la communauté dont tu vas te foutre de la gueule, ben ça passe pas. Et j'utilise comme exemple sur scène, j'ai dit, contrairement à madame, par exemple, je ne pourrais pas, moi, faire des blagues sur les femmes, ça ne passerait pas. Et j'ai dit, et contrairement à monsieur, je ne pourrais pas, moi, faire des blagues sur les moches, ça ne passerait pas. Et en général. Mais c'est parce qu'ils l'ont pris, c'est parce qu'ils l'ont pris au premier degré, Mais ils ils ont se sont tout dit, pris. ben Mon oui. passage en entier a été pris au premier degré. Et là où, en général, une blague comme celle que je viens de te dire, en général, quand le public a compris que c'est le second degré, il se marre avec moi. Ouais. Mais là, là, non. Là, j'ai même été d'ailleurs m'excuser envers la personne que j'ai utilisée comme exemple. Et j'ai dû expliquer que, bon, il se fait que cette personne-là, elle l'avait très bien compris. Il n'y avait aucun souci, mais j'avais peur parce que tout était pris au premier degré, quoi. C'était Et ouais, très ben marrant. c'est ça le problème, c'est que là, non seulement ils n'ont pas perçu le premier degré de ton côté, enfin du côté de ton personnage prétentieux et tout, Ouais. mais en plus ils se sont dit, alors il est prétentieux, mais en plus il se permet de prendre les gens de haut et de les Ouais, insulter, d'insulter le ouais, ouais, public. ouais. Donc ouais, non, vraiment là, malheureusement, tu partais pas avec les bonnes cartes. Et Et après, je il faut se pense, remettre en ouais. question. Il faut se dire, ben, est-ce que c'est moi qui n'ai pas suffisamment posé de manière très claire le contexte du second degré? Je sais pas. Tu vois, là, j'avais fait un truc qui avait tellement de fois fonctionné dans d'autres scènes que je remettais Ouais. même plus en cause. Et quelque part, heureusement, parce que si ça avait été un texte que j'essayais pour la première ou la deuxième fois, Ouais, tu l'aurais je veux laissé dire que tomber, quoi. j'aurais tout à fait laissé tomber. Je me serais dit, ce truc est nul, ça fait rire personne. Donc voilà, ça c'est aussi une leçon à tirer, c'est qu'il faut toujours réessayer plusieurs fois et Bien voir sûr, s'il bien n'y a sûr. pas. C'est ça qui fait aussi la beauté des scènes, hein, c'est que les gens ils viennent pas forcément pour te voir toi, ils viennent voir des humoristes et parfois ça prend pas, et c'est ça qui rend le truc riche aussi et qui rend le truc sympa. Quand ça marche, t'es super content. C'est sûr, bah c'est le jeu, hein, mais tu vois, par Ouais. rapport au test, tout ça, tu disais de persévérer, de continuer à tester et tout. Moi, Ouais. je suis comme ça aussi, tu vois. Je sais pas comment tu fonctionnes toi, mais je sais que moi, même si je fais un texte une fois et qu'il marche pas, bon, bien sûr, s'il marche pas, si j'ai zéro rire de A à Z, je vais vraiment encore plus me remettre en question. Mais s'il marchote, franchement, je vais pas me prendre la tête, je vais dire bon, c'est à retravailler, mais je vais le rejouer plusieurs fois. De toute façon, ça prend forme. Je pense qu'un texte prend forme au bout de la 10e ou 15e fois que tu le joues, quoi. Oui, il faut certainement lui laisser plusieurs chances. Après, tu peux déjà, dès le premier passage, tirer quelques conclusions et te dire, bon, ça, à mon avis, si je redis exactement comme je l'ai dit, comme je l'ai fait ce soir, ça ne fonctionnera jamais. Mais peut-être que si je le tourne autrement, ça peut être. Il faut laisser plusieurs chances, t'as raison. Et Ouais, donc ça, c'était ta pire anecdote vraiment. c'était la pire. Ah, je comprends tout à fait. Et on a tous vécu ce genre de soirée où tu peux même pas remettre ça genre sur le dos du public ou quoi. Non, non, non, Parce que non, c'est ça. voilà. Parce C'est que ça. tout était parfait pour les autres et il y a juste Ah toi qui ouais. as planté. Bah. Ah oui, tu te sens un peu. Et là, tu envisages de dire, mais est-ce que j'arrêterai pas la scène, là, quand même? Est-ce que tu te sens mieux? Pour moi, si jamais tu es un humoriste et que tu n'as jamais pensé. Est-ce que j'ai pas envie d'arrêter la scène? Pour moi, voilà, enfin, faut que tu aies cette envie-là de toute façon. Mais bien sûr, bien sûr. Faut que tu aies l'envie de limite, l'envie de crever de sur place, tu vois, quand tu bides. Faut que tu aies l'envie de tout arrêter quand tu as des périodes de doute. Et faut que tu aies l'envie, au contraire, de tout bouffer, de tout arracher quand ça se passe bien, tu vois. On passe par ça. De toute façon, on est complètement instable émotionnellement, nous, les humoristes, tu vois. Complètement. Et ce qu'il faut faire dans ces cas-là, et ce que j'ai eu la chance de faire, c'est remonter très rapidement sur scène. Je crois que 2 jours après, j'étais nouveau sur scène. Ah. Et là, je me suis fait plaisir avec un super public. Et Et ça te redonne confiance, évidemment. Ça, c'est... Mais c'est ce qu'il faut, hein. C'est faire une scène entre guillemets revanche, quoi. Tu vois, remonter sur scène vite pour vite remonter en selle et puis allez, c'est parti, quoi. Je vais oublier ce qui s'est passé. J'imagine que la scène d'après, bah, si ça marche comme ça marche d'habitude pour les humoristes, en général, après un bide, la scène d'après, tu cartonnes. Oui, c'est vrai. Sans doute parce que justement, tu attends moins de rire, vu que tu es moins sûr de toi. Et puis, une fois que ça reprend, bah, tu es là. C'est trop bien. C'est trop, trop bien. Ah. Ah, mais c'est au final, bon, bah, c'est oui, comme tu as dit, une leçon à tirer. Donc, c'est une anecdote, c'est une galère, mais on va dire, ça t'a servi quand même. Et je pense que Oui. de temps en temps, il en faut un petit peu pour se remettre en question et pour avancer, quoi, tout simplement. Oui, complètement. Et puis se redire, peut-être que je m'étais un peu habitué à faire ce sketch-là. Je l'ai peut-être moins vendu. J'ai peut-être. Il faut toujours savoir retirer des petites leçons des échecs comme des succès d'ailleurs. Hein, Absolument. mais c'est ça qui est tellement gai. Ah, ça me manque. Ça me manque. De toute façon, maintenant, j'ai tellement manque de scène que tu me mets n'importe où. J'y vais. Je dis oui. Oui. Je suis tellement en manque que je serais capable d'aller proposer mes sketchs dans le métro, tu vois. J'ai des discours, moi, maintenant, que j'avais pas avant. Tu sais, avant, et je pense que tu es comme moi aussi, je disais non, non, jouer en plein air, c'est nul. Non, non, non, il faut pas, c'est galère et tout. Et maintenant qu'on n'a pas le droit de jouer, clairement, tu me proposes du plein air, je prends, quoi. Mais oui, complètement. Ah, mais c'est comme ça. Hein. Mais en Bon, tout cas, allez, belle anecdote, hein, merci patient. beaucoup. Ben, grand plaisir. Où est-ce qu'on peut te retrouver sur les réseaux sociaux? Eh ben, j'en ai qu'un. J'avoue que je suis pas le plus actif sur les réseaux sociaux, donc c'est la page Facebook Denis Richir humoriste. D'accord. Pour ma part, vous me retrouvez sur tous les réseaux sociaux, donc Sofiane Etaï, E2TAI, sur Facebook, Twitter, YouTube, Instagram et TikTok. Je vous dis à très bientôt pour un nouvel épisode. Bis à tous, même à toi là-bas.